L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des galaxies très très lointaines, montrant un décalage vers le rouge supérieur à 7, soit une distance de plus de 13 milliards d'années-lumière, ont été trouvées en assez grand nombre grâce au télescope spatial Hubble. Mais leur caractérisation s'est toujours avérée très difficile à partir de leur lumière ultraviolette qui permet généralement leur découverte. C'est en observant l'émission de gaz froid et de poussière dans l'infrarouge lointain que l'on peut espérer obtenir des informations intéressantes sur la structure de ces galaxies. Jusqu'à aujourd'hui, la galaxie la plus lointaine dont on a pu obtenir des informations spectrales en infrarouge se situait à un décalage vers le rouge Z égale 3,2 seulement, soit à 11,8 milliards d'années-lumière. Mais une équipe européenne impliquant des astronomes danois, suédois, français et anglais et italiens vient de mesurer pour la première fois le spectre d'une galaxie située à plus de 13,2 milliards d'années-lumière, montrant un décalage vers le rouge Z égale 7,5. Cette galaxie se nomme A1689ZD1. Il s'agit d'une galaxie archétypale des galaxies à formation d'étoiles intenses de l'univers jeune. Elle a pu être détectée et caractérisée grâce au fait qu'elle se trouve derrière un gros amas de galaxies, Abel-1689, qui produit sur elle un très fort effet de lentille gravitationnelle, c'est-à-dire une déviation et une amplification de sa lumière par son champ gravitationnel. Sa luminosité est ainsi amplifiée par un facteur 9,3, ce qui en fait, malgré sa faible luminosité intrinsèque, l'une des galaxies les plus brillantes situées à cette distance énorme. Les astronomes parviennent à déterminer de nombreuses caractéristiques de cette galaxie, comme par exemple son taux de formation d'étoiles via sa luminosité ultraviolette, et qui avoisine les 12 masses solaires par an. Elle produit donc environ un soleil par mois. Ce que montre l'équipe animée par l'astronome danois Darak Watson, c'est aussi que A1689ZD1 semble déjà très évolué. Elle a déjà une relative grande masse stellaire, 1,7 milliard de masses solaires en étoiles, et est déjà bien enrichie en poussière avec un ratio poussière sur gaz très similaire à celui de notre galaxie aujourd'hui. La masse totale de poussière est obtenue grâce à la mesure de la luminosité totale en infrarouge qu'il faut corriger des effets de lentilles et des effets du fond diffus cosmologique, et en faisant une hypothèse sur la température de cette poussière, ici 35 Kelvin. Elle vaut la bagatelle de 40 millions de masses solaires. La masse de gaz, elle, est obtenue à partir de la taille de la galaxie et de son taux de formation d'étoiles. Elle vaut 2 milliards de masses solaires. La comparaison de la masse d'étoiles et de la masse de gaz montre que 55% de la matière baryonique de cette galaxie est sous forme de gaz, ce qui indique que cette galaxie a déjà formé la plupart de ses étoiles et métaux. L'âge stellaire moyen y est estimé être de 80 millions d'années. La quantité de gaz ionisé métallique est signée par l'émission infrarouge et indique que la galaxie a déjà fait exploser un certain nombre de supernovas. Vu l'âge des étoiles de cette galaxie, on en déduit de suite qu'il ne pouvait s'agir que d'étoiles très massives. Quant à la quantité de poussière, l'origine est plus incertaine, mais le processus est forcément un processus rapide, et l'observation de A1689ZD1 pose des limites fortes sur la vitesse d'enrichissement en poussière dans une galaxie de ce type, présente dans un univers d'à peine âgé de 500 millions d'années. L'image qui se dégage pour cette galaxie est ou bien celle d'une galaxie formant des étoiles à un taux modéré depuis une centaine de millions d'années, ou bien celle d'une galaxie ayant connu une bouffée de formation d'étoiles très rapide et aujourd'hui en déclin. C'est en tout cas désormais la galaxie la plus lointaine connue à ce jour avec autant de paramètres astrophysiques. Derek Watson et ses collègues concluent leur article paru dans Nature en évoquant les prouesses du réseau de radiotélescope ALMA qui a permis de détecter A1689 ZD1 en très peu de temps. Ce qui offre des perspectives pour la découverte et l'étude d'autres galaxies aussi lointaines, voire davantage, même sans l'aide de l'effet de lentille gravitationnelle. L'article de Derek Watson et ses collègues est paru en ligne sur Nature le 2 mars 2015 sous le titre « A Dusty Normal Galaxy in the Epoch of Ray Ionization ». À très bientôt sur « Ça se passe là-haut », restez à l'écoute, les yeux au ciel, les pieds sur terre et sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr.